Chapitre 8. Les saints martyrs sont conduits de Fakata à Ukakamo, près de Nagasaki. Ils sont visités par les pères Pazio et Rodriguez. Le 1er février, la sainte troupe partit de Fakata et s'avança jusqu'à Korazu, bourgade distante de 3 lieues de Nagoya. Fasaburo Dono s'était rendu jusqu'à Korazu, à la rencontre des martyrs. Il avait eu autrefois le dessein de se faire chrétien et s'était fait instruire dans la religion chrétienne. Il était même l'ami de Paul Miki. En cette qualité, il alla saluer le saint confesseur et lui témoigna de grands sentiments de compassion. « Il n'y a pas lieu, répondit Paul, à de pareils sentiments, lorsqu'on meurt pour la loi de Dieu et la sainte doctrine qui nous est venue du ciel. Je ne vous demande qu'une chose, mais je vous la demande avec toute l'insistance possible. » C'est qu'on nous accorde à Nagasaki quelques moments pour nous confesser et communier. Les pères franciscains firent la même prière. Fasaburo Dono le leur promit, mais il n'exécuta sa promesse qu'à moitié. La première station après Korazu, où parvinrent les martyrs, fut Zukazaki dans le royaume de Fingen. Ils n'y restèrent que jusqu'au lendemain. La station suivante fut Soninki dans le royaume d'Omura, à 8 ou 9 lieues de Nagasaki. Le 4 février, vers midi, ils y arrivèrent à pied, malgré le grand froid qu'il faisait. Se voyant si près de la mort, ils avaient jugé à propos de faire le reste du chemin à pied, voulant marcher plutôt au supplice qu'y être conduit. En route, il arriva au père Pierre-Baptiste de se reposer sur une pierre et de répandre des larmes, à la pensée que, venu au Japon pour y établir son ordre, il voyait que ses désirs ne seraient pas remplis. Ses larmes furent considérées par les gardiens comme arrachées par le regret de devoir mourir et donnèrent lieu à des plaisanteries de leur part. Paul Miki en avertit le père et le pria charitablement de vouloir bien retenir ses larmes. « Sans doute, dit-il, ce sont des larmes de dévotion, mais les hommes grossiers qui nous gardent sont loin de les attribuer à cette cause. » Le père Pierre prit l'avertissement en bonne part et chargea le père Gonsalve Garcia, qui parlait le japonais, de détromper les gardiens sur le motif de sa douleur. À Soninki, les confesseurs apprirent que les pères Pazio et Rodriguez y étaient arrivés peu avant eux. Malheureusement, Fasaburo Dono s'était séparé du convoi et les gardiens n'osaient permettre à personne de s'approcher des prisonniers. Le père Rodriguez, en faisant valoir sa qualité d'interprète de Taiko-sama, put pénétrer pour quelques moments auprès des martyrs. Sa vue fit jaillir des larmes de tous les yeux. On se salua, on s'embrassa, on se donna les signes d'un amour extrême. Le père fit alors à tous les confesseurs beaucoup de civilité de la part du vice-provincial, leur adressa quelques paroles conformes aux circonstances et les exhorta à couronner par un triomphe glorieux un combat si bien commencé. Il ajouta en finissant qu'il était venu dans l'intention de leur dire la messe et de leur donner la communion, mais que c'était impossible parce que les gardes hâtaient le départ, qu'il ne lui restait qu'à y suppléer à Nagasaki et qu'il pouvait compter qu'il ferait ce qui dépendrait de lui. Alors le frère Paul Miki, se jetant à son cou, lui dit à voix basse « J'ai la confiance que par la miséricorde de Dieu, l'Église du Japon trouvera dans cette persécution la source d'un grand accroissement. Si je pense ainsi, c'est qu'au moment même où la persécution éclatait, et lorsque tout devait éloigner les païens de la religion chrétienne, j'ai été forcé par 6 d'entre eux, dans la prison même d'Osaka, de leur administrer le baptême. » Le père Rodriguez embrassa ensuite le père Pierre-Baptiste, qui lui raconta brièvement les principaux événements du voyage et qui, le tirant à part, lui dit avec une grande humilité « Mon père, il pourra bien arriver qu'on nous exécute si promptement que nous n'ayons pas le loisir de faire ce que nous souhaiterions. C'est pourquoi, dès maintenant, en ma qualité de supérieur, je demande de tout mon cœur, au nom de mes confrères, pardon au père vice-provincial et à tous les autres pères de la compagnie des peines que nous leur avons causées. » Le père Rodriguez répondit qu'il ne doutait pas de la droiture de leurs intentions. Que Dieu avait permis tout ce qui était arrivé pour des raisons que lui seul pouvait savoir et qu'il en tirerait assurément sa gloire. Il ajouta que si de la part de la compagnie on leur avait donné quelques sujets de plainte, il en demandait pardon à son tour. Ces paroles dites, on s'embrassa de nouveau en répandant des larmes d'attendrissement. Puis le père Rodriguez, se tournant vers les Japonais, leur dit en peu de mots combien ils devaient priser haut le bonheur de pouvoir mourir, non d'une manière ordinaire, mais en versant leur sang pour Jésus-Christ. Le père Rodriguez dut alors se retirer. Il rejoignit le père Pazio et s'achemina avec lui, aussi vite qu'ils purent vers Nagasaki, pour sommer Fasaburo Dono de tenir la promesse qu'il avait faite à Paul Miki, de fournir aux confesseurs l'occasion de recevoir les sacrements. Vers le soir, les saints martyrs furent conduits à une jonque qui devait les transporter par mer à Tonchizou. Le trajet était de 7 lieues et fut très pénible pour les prisonniers à cause du grand froid qu'il fit cette nuit et de l'immobilité dans laquelle on tint les captifs. À tous, excepté au père franciscain, on avait passé une corde au cou et on leur avait lié les mains derrière le dos. Durant le même temps, Fasaburo-Dono avait fait préparer une maison à Nagasaki pour y loger les martyrs. Mais faisant attention que Nagasaki était pour ainsi dire une ville chrétienne et que des retards apportés au supplice des 26 chrétiens pourraient donner aux têtes le temps de s'enflammer et de produire des troubles, il se ravisa, voulut tout terminer au plus tôt et ordonna que le crucifiement se ferait le lendemain matin. Tout ce que purent obtenir les Portugais, c'est que les confesseurs ne subiraient pas leur supplice au lieu ordinaire des exécutions, mais en dehors de la ville, à un endroit qu'ils lui désignèrent, et où il comptait bâtir un jour une église, dite Notre-Dame des Martyrs. Il fit donc transporter les croix, dont il réduisit le nombre à 26, sur une des collines dont Nagasaki est presque environnée, qui donne sur la mer. Cette colline était la même que celle qu'on appela dans la suite le Mont des Martyrs ou la Sainte Montagne, à cause du grand nombre de missionnaires et de fidèles qui arrosèrent ce lieu de leur sang. Ensuite, dès l'aube du jour, il envoya dire au père de Nagasaki de lui envoyer tout de suite le père Pasio, qui lui donnerait un de ses serviteurs pour le conduire dans un endroit proche des gibets, que lorsque les prisonniers s'y arrêteraient, il pourrait entendre la confession des 3 catéchistes de la compagnie, mais pas celle des autres, qu'il lui était impossible d'accorder davantage, que, quant à la communion, elle ne lui paraissait pas nécessaire, vu que ceux qui meurent pour Jésus-Christ n'ont pas besoin d'un autre viatique. Fasaburo-Dono répéta le même discours au père Pasio, et ce père se rendit avec le père Rodriguez et un serviteur du lieutenant à Ucacamo, qui était l'endroit désigné et où s'élevait un hospice chrétien incurable dit de Saint-Lazare. Le père Pasio s'y arrêta, mais le père Rodriguez alla au-devant des martyrs pour leur apprendre que dans peu d'heures, ils devaient mourir. Ils accueillirent cette nouvelle avec une grande joie et en rendant à Dieu des actions de grâce. Le père Pierre Baptiste, qui arrivait à cheval en récitant son bréviaire, se fit remarquer entre tous les autres. Lorsque le cortège fut près de l'hospice, le père Pasio dit aux soldats de s'arrêter, fit entrer Paul Miki à l'intérieur et entendit la confession générale de toute sa vie. Jacques et Jean vinrent après lui et se confessèrent d'eux-mêmes. Lorsqu'ils eurent fini, Paul Miki renouvela ses vœux. Ensuite, Jean Souan et Jacques Kissaille furent reçus comme novices de la compagnie et admis à faire les vœux de dévotion. Cette cérémonie se termina par l'agolade fraternelle que les martyrs donnèrent au père Pasio, comme au représentant du père vice-provincial. Tandis que le père Pasio était ainsi occupé à disposer à la mort les 3 jésuites, leurs compagnons passaient pieusement le temps dans la rue. Les uns récitaient à genoux le chapelet, d'autres assis se recommandaient à Dieu. D'autres s'animaient mutuellement à subir généreusement le martyr. Le père Rodriguez passait des uns aux autres pour leur adresser des paroles d'encouragement et entendre la confession de quelques-uns. Les pères franciscains se livraient à des exercices analogues. Ils se confessaient entre eux et entendaient les confessions de leurs frères converts. On leur remit alors une lettre que le père Morijon, le maître de Jean Soin, leur envoyait d'Osaka et qui dut les remuer profondément. Nous croyons pouvoir la donner ici parce qu'elle est peu connue et qu'elle est remarquable par la recommandation qui la termine. Pour le reste, c'est le transport d'une âme soupirante après le martyr. Jésus, Marie, que la paix du Christ vous accompagne. Ô mes chers pères et mes bien-aimés frères, que l'Esprit Saint soit dans vos cœurs, de vous, mes révérends pères, et de vous, simples fidèles, qui tous avez si heureusement triomphé du monde et de vous-même. Oh, qu'il est ardent le désir dont j'ai brûlé et dont je continue à brûler de me joindre à vous. Cela n'a pas dépendu de moi. Je n'ai pas mérité de Dieu une si grande faveur. J'attends avec larmes que l'heureux jour luise pour moi, où je devienne non pas martyr, je n'ose pas même concevoir cette pensée, et je ne mérite pas ce bonheur à cause de ma grande indignité. Mais où ma triste vie se termine et où ce corps 1000 fois malheureux cesse de vivre et meurt pour l'Église du Japon. Car après de si bons commencements et de si heureux présages, je puis bien attendre quelques beaux jours pour moi et une petite part dans votre bonheur. En attendant, mes pères et mes frères bien-aimés, par le Seigneur pour lequel vous souffrez, je vous supplie de me pardonner la grande peine et la mauvaise édification que je vous ai causée. Et lorsque, par la miséricorde de Dieu, vous vous verrez les uns les autres dans la lumière de sa face, de ne pas oublier ceux que vous avez laissés dans cette vallée de larmes, surtout moi qui ai le plus de tous besoin de votre souvenir. Oh, s'il m'était donné de me jeter dans vos bras, avant votre sortie de ce monde, Je vous prie de m'obtenir du Seigneur que lorsque je mourrai, je sois vivant en lui, qui en mourant a orné son église de grâce. Il n'y a rien pour le moment que je désire avec plus d'ardeur. Adieu, Père Commissaire. Frère Pierre-Baptiste, adieu, mon père, frère Martin. Adieu, mon père, frère François. Et vous aussi, Père Blanco. Adieu, mon frère, frère Philippe. Adieu, mon frère, frère Gonsalve. Adieu, mon frère, frère François. Heureuse votre mort qui dépasse les faibles mérites tels que sont les miens. Saluez de ma part Léon, Côme, Paul, Thomas, François et tous les autres. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'exhorter vos révérences à apprendre à ces chrétiens qu'ils doivent recevoir la mort avec humilité. Vous savez que quelquefois les Japonais meurent pour satisfaire aux exigences du monde. Adieu, mes pères bien-aimés, jusqu'à ce que nous voyons ensemble Dieu. Votre serviteur indigne, Pierre Morejon. L'évêque jésuite Pierre Martinez n'avait pu obtenir du lieutenant la permission de paraître au lieu du supplice. Il dut se contenter de charger un autre de porter sa bénédiction et des paroles pleines d'amour à tous les confesseurs, en particulier au père franciscain. Le père, Pierre-Baptiste, fit remercier le prélat au nom de tous ses confrères et lui demanda en même temps pardon de ce qu'il ne lui avait pas assez bien obéi. Les Portugais apportèrent au martyr toutes sortes de mets, de délicatesses et de rafraîchissements, mais ils n'en voulurent rien prendre et partagèrent entre les soldats et les bourreaux ce qu'on leur donnait.